Tu parles de ce qui nourrit la vie, de ce qui élève et de ce qui détruit. Tu mets la frontière entre l'ombre et la clarté pour que ton peuple puisse marcher. Il y a ce qui se mange, ce qui se fuit, ce qui rapproche, ce qui nuit. Tu nous enseignes par des chemins simples à discerner ce qui est limpide, car tu es saint dans tout ce que tu dis. Et tu veux un peuple qui te choisit. Séparés pour refléter ton royaume.